chérie, rentre, il est grand temps. Ton mari est très souffrant. Mon mari est très souffrant. Qu'il prenne un médicament. Viens, mon cher Franz, encore une danse. Je rejoindrai mon vieux mari après. Viens, mon cher Franz, encore une danse. Je rejoindrai mon vieux mari après. Chérie, rentre, rentre chez toi. Ton mari est presque froid. Mon mari est presque froid. Qu'on lui brûle un feu de joie. Viens, mon cher Franz, encore une danse. Je rejoindrai mon vieux mari après. Viens, mon cher Franz, encore une danse. Je rejoindrai mon vieux mari après. Chérie, rentre, tu dois rentrer. Ton mari est décédé. Mon mari est décédé. Y'a plus rien qui puisse l'aider. Viens, mon cher Franz, encore une danse. Je rejoindrai mon vieux mari après. Viens, mon cher Franz, encore une danse. Je rejoindrai mon vieux mari après. Chérie, rentre en ce moment. On doit lire son testament. Que dis-tu? En ce moment, on doit lire son testament. Oh non, non, mon cher Franz. Plus une seule danse. Je vais courir pleurer mon vieux mari. Oh non, mon cher Franz. Plus une seule danse. Je vais courir pleurer mon vieux mari.